À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président sénégalais Macky Sall a fait parvenir le 30 août un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a souhaité succès au maréchal Kim Jong-un dans son noble travail et prospérité au peuple coréen. Il a affirmé sa volonté ferme de développer continuellement les relations de coopération entre les deux pays.